Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est pas du tout un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles étaient venues ce soir par curiosité, mais je souhaite quand même qu'on puisse s'exprimer, pas uniquement par curiosité, donc sur ce sujet, on a proposé l'analyse des événements d'après les attentats du mois de janvier 2015. Et puis ben, chacun va pouvoir donc prendre la parole. Qui veut commencer à s'exprimer? Oui, je vais bien lancer. Moi, il me semble, à mes yeux, le choc des civilisations, le choc des cultures, des religions, c'est de la poudre aux yeux. Et je pense que aussi bien les gens de culture et religion musulmane que ceux qui embrassent la cause, c'est en grande partie le résultat d'une société dans laquelle il n'y a plus de perspective et il n'y a plus de morale, entre guillemets. Donc c'est le résultat de tout ce qui se passe depuis 30 ans. À savoir la négation d'un rapport entre des classes sociales. À partir du moment où il y a un vide qui s'est créé, il n'y a plus de classe, il y a un vide qui s'est créé, donc c'est remplacé par autre chose. Et donc, en l'occurrence, une pensée religieuse, magique. Je peux te faire un préalable et je prends la parole parce que dans un monde avec ces mécanismes économiques, tout ce qui est on connaît comme une économie qui n'est plus l'économie traditionnelle pour produire de la richesse, pour produire des services, qui a la mission du bien de la société. Aujourd'hui, c'est une économie qui est financiarisée, mondialisée, hyper technologique. Et donc, je me connecte un peu à Dominique quand elle dit on vit dans une société qui n'a plus de morale, du mal-être qui porte à ce que les dangers suprêmes, le choc des civilisations, le choc culturel jusqu'à à la haine et au terrorisme sur base religieuse. C'est quelque chose qu'il y a un an, deux ans, trois ans, ça m'est donné foi au dos. Et on y est dedans. Et quand tu allumes la télé, ou tu lis un journal banal, un journal de médias dominants, c'est normal. Il y a des sauvages qui détruisent les plus beaux repères culturels de l'Irak, le berceau de la civilisation horizontale, parce qu'ils sont des sauvages. Il y a d'autres sauvages qui arrivent avec les rênes à entrer dans une rédaction de journal et vont tuer des gens. Ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Il faut les frapper, il faut les attraper et tout. Et c'est sous cela que je comprends les résistances de quelqu'un, même des amis, des camarades, des gens comme nous, qui n'ont pas voulu participer à cette grande messe de célébration et d'unité. Moi, j'ai voulu participer. Je retournerai dans la rue pour dire non, pour dire basta. Mais je veux dire basta aussi à ces mécanismes pervers sur lesquels le monde diplomatique nous encourage à la réflexion, parce qu'il y a plusieurs racines de la haine de nous, occidentaux, mais sont aussi des racines qui nous portent vers quoi? Vers un impasse qui ça veut dire la guerre, ça veut dire la violence extrême, que ça veut dire la soumission de l'homme au profit dans le pire des conditions. C'est nous, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Donc, on fait quoi? On continue à dire que eux sont des barbares et nous, occidentaux, les Français, les Italiens, les Espagnols et tout, nous sommes porteurs d'une civilisation à défendre avec notre police, notre armée. C'est ça la solution? Je m'arrête là. Quelle morale? Moi, je me méfie beaucoup de ce mot-là. Je veux dire, votre morale, vous tutoyez, peut-être ta morale ne va pas être celle de quelqu'un d'autre. Donc, plus qu'une absence de morale, moi je dirais peut-être une absence d'espoir. Et là c'est vrai, je suis un peu d'accord avec Dominique, c'est ça? Ouais, je trouve que d'une manière générale, hein, bon, pas spécialement les musulmans, les enfants musulmans dans les cités, mais d'une manière générale pour tous les jeunes, la vie qu'on leur propose n'est pas belle. Quel espoir on leur donne? Sur quoi est-ce qu'ils peuvent se reposer vraiment? Sur quelles racines intéressantes? Est-ce qu'on leur donne le goût de vivre déjà? C'est simplement ça. Donc est-ce que les gens, certains jeunes se raccrochent alors à la technologie, à tout ce qu'on veut, à des espèces de paradis artificiels, là les jeunes musulmans, il se trouve que les circonstances font qu'ils sont embrigadés, parce qu'ils sont dans un milieu où il y a des gens qui peuvent les embrigader, il y a Internet, donc ils vont à fond là-dedans. Donc moi je sais pas, plus qu'une absence de morale, je dirais peut-être plutôt une absence d'espoir, la vie qu'on leur montre n'est pas belle. Si on pose les choses en termes de guerre, je trouve que c'est relativement ingénieux de nous toucher de cette manière, parce qu'il n'y a pas... C'est tout simple. Un assassinat après des assassinats, et détruire la culture, ça fait beaucoup plus d'effet sur le monde occidental que n'importe quoi. Nos guerres à nous sont peut-être maintenant plus propres, mais enfin, qu'on pense un peu à cet aspect-là. Je ne défends pas rien du tout, c'est un peu. Tu peux préciser, parce que tu entendais par guerre, là, justement, j'ai pas trop. Je veux dire, ça marche à l'économie pour eux. Il n'y a pas besoin de grands combats, il suffit de taper au cœur de la culture pour les. Pour certaines choses, et puis aussi, quand on assassine les gens de Charlie Hebdo, c'est la même chose. C'est efficace. Oui. Juste une question que je me pose, on entend dans le mot laïcité, et quand on entend le mot laïcité, on entend aussi le mot religion, quelque part. Il me semble que ça fait des années, que le système fait qu'il y a qu'on a mis dans la tête de beaucoup d'entre nous une religion de l'avoir et non pas de l'être, de tout ce que l'on possède, et que au niveau des banlieues justement, ils voient bien que cette religion de l'avoir, ils peuvent pas l'avoir, ils peuvent pas y rentrer, et donc il faut bien qu'ils la remplacent par quelque chose, et que l'islamisme entre autres, mais ça peut être autre chose parce qu'on le retrouve aussi dans au niveau de tas de personnes qui ne peuvent pas rentrer dans cette société de possédants, tous les problèmes, toutes les personnes qui rentrent vers des sectes, des trucs très... Bon, comme s'il y avait un besoin de se rassurer absolument. C'est difficile de vivre, c'est difficile de penser, c'est difficile de... C'est bien quand il y a un chef, c'est bien quand il y a un dieu, qu'il y a des choses qu'on peut aller acheter ou n'importe quoi, mais je crois que tout ça c'est du même ordre et que finalement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On peut pas forcément la solution, bien sûr. Moi je rejoindrai un petit peu ce qui vient d'être dit dans la mesure où on est libre de parler, je ne veux choquer personne. Les religions, pour moi, sont la cause essentielle de tout ce qui se passe, de toutes les tueries qu'il peut y avoir dans le monde. Toutes les guerres, toutes les tueries qui ont pu exister, c'est les religions qui sont en cause. Alors là, il y a, tout à l'heure, on parlait de civilisation. Pour moi, il y a bien deux civilisations qui ont été fondées sur des religions différentes. Conception de la vie à travers la religion différente. Le problème, c'est qu'effectivement, les êtres humains, il y a des millénaires, avaient besoin de ces religions, puisqu'elles ne comprenaient pas le monde qui les entourait. C'était effrayant de voir les orages, les éclairs, la pluie. C'était effrayant. Donc, croire en un dieu, en quelque chose, rassurait. Mais le grand désastre et la grande faute de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'on ne s'est pas posé la question comment détricoter ces religions. Elles ont été tricotées au long des siècles et aujourd'hui on ne se pose pas la question de vouloir détricoter ces religions, d'amener quand même un débat autour de la nécessité aujourd'hui, alors que les connaissances scientifiques, biologiques, toutes ces connaissances nous amènent vers quelque chose de plus rationnel. Donc on en est arrivé là. Et aujourd'hui, ces confrontations de religion avec des gens qui sont venus chez nous, et puis tant mieux, ceci, cela, qu'on n'a pas compris, on est resté, on les a parqués quelque part, on les a mis quelque part, on leur a on ne leur a pas donné la possibilité d'obtenir un sentiment de satisfaction à travers l'acquisition de biens matériels, donc ils se sont sentis exclus. Et tout ça, les vraies questions pour moi n'ont pas été posées. Les vraies questions n'ont pas été posées. Pour moi, je suis un petit peu contraire, parce que je ne pense pas que la religion est le problème. Je pense que c'est le pouvoir qui est derrière la religion qui est le problème. Par exemple, en Irlande, ce n'est pas un problème entre les catholiques et les protestants, c'est un problème de pouvoir derrière les catholiques et pouvoir derrière les protestants. Et aussi avec l'islam, ce sont quelques gens qui tirent les ficelles et c'est toujours le drapeau qu'on porte, oui, l'islam, mais en arrière, ce sont autre chose. C'est le vrai pouvoir et peut-être le problème de l'islam et de sa force, c'est la faiblesse du christianisme. Pour moi, d'être seulement une machine biologique avec quelques petites choses chimiques dans mon corps, ce n'est pas suffisant, d'être honnête. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, en Irlande du Sud, qui est censée être à majorité catholique, c'est une minorité protestante qui a le pouvoir depuis le XVIIe siècle, enfin le pouvoir qui a eu... le droit, qui s'est converti au protestantisme pour avoir le droit à l'éducation, le droit à la terre, etc. Et c'est cette minorité qui a donné la culture qu'on connaît maintenant. Par exemple, Beckett ou Francis Bacon sont des protestants. Et en même temps, c'est des gens qui sont absolument très peu pratiquants. Hein. Et moi, je trouve, en fait, je pense à un texte, un livre de Marcel Gauchet qui parle du désenchantement du monde. Et effectivement, dans un monde qui est complètement déchristianisé, occidental, hein, enfin, qui ne peut plus vraiment croire en Dieu, hein, qu'est-ce qu'on propose? Je ne dis pas qu'il faut être croyant, hein, absolument pas. Mais il faut quand même qu'il y ait un enchantement, et comme vous dites, croire à autre chose que le bien, ou alors une pensée complètement positive et creuse. Il faut qu'il y ait du sens. Et moi, voilà, je pense qu'il y a un problème d'enchantement au sens politique. Une vraie démocratie forte. Et d'ailleurs, Charlie, j'ai pas compris. Enfin, oui, il faut très bien le sortir. Bien sûr, on est tous contre la violence, la barbarie, tuer, le meurtre, etc. Bien sûr, on va pas être pour. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on sort pas dans la rue. On n'est pas à la sécurité sociale. Et pourtant, elle est complètement en train de se déliter. On n'est pas la Grèce non plus. Moi, je trouve aussi qu'on manque de cette conscience de dire ben, ce soir, voilà, on va sortir dans la rue, on va être la sécurité sociale. Oui, oui, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit la raison principale, à mon avis. Enfin, moi, très souvent, j'ai envie de descendre dans la rue et de m'énerver. C'est simplement le sentiment qu'on se sent tout seul. Même si on entend tout le monde dire que rien ne va et qu'il faut faire quelque chose, mais finalement, on a plein de petites idées comme ça éparses, mais personne n'arrive à se rassembler comme ça a été le cas pour Charlie. Et c'est dans ce sens qu'il serait bien qu'on arrive à se rassembler une bonne fois pour toutes, et pour d'autres causes qui sont toutes aussi nobles, malgré tout, et qu'on arrive à se retrouver et à ne faire qu'un. Et je pense que c'est parce qu'on se sent juste tout seul. Il faut commencer. Ouais. C'est juste soir. Il y a quand même, oui, Jean-Claude. Aucune explication ne me satisfait. Plus je lis, j'ai lu beaucoup depuis ce qui s'est passé, plus je m'aperçois que c'est difficile de trouver l'explication, parce que je ne pense pas qu'il y a une explication. Il y a des gens qui sont paumés, qui n'ont aucun espoir. J'ai vu hier, dans le monde, je lisais qu'il y avait un jeune, celui qui est parti, qui coupe les têtes. C'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille anglaise tout à fait ordinaire, qui vivait bien. C'était un très bon élève, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait réussi. Voilà. Donc par nos analyses politiques, les plus belles qu'elles soient, on ne peut pas expliquer ces gestes. Parce que moi aussi, je pense que c'est un piège de le prendre sous l'angle de la religion. Et l'explication, elle n'est pas là, et c'est un piège. C'est un piège qui nous est tendu, parce qu'en se polarisant là-dessus, on laisse se déliter une société, et aujourd'hui, Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est de dire, on dit, ah oui, le Front National n'était pas dans la rue, donc, ah, là, quand même, il est baissé, quoi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Qui bénéficie de ça? Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que dans notre société, on ne se rencontre plus, on ne parle plus. Il y a une campagne électorale en ce moment. Quels sont ceux qui, parmi nous, aujourd'hui, ont discuté avec quelqu'un qui va voter Front National? Dans nos réseaux, on ne rencontre pas. Bon, alors moi, je suis la femme solidaire et vraiment, l'édito du dernier magazine, là, qui dit « Je suis féministe pratiquante » et qui finit « Je suis féministe pratiquante, la laïcité est mon berger, je ne manque de rien », je la trouve très forte et je trouve que vraiment... C'est de la laïcité qu'il faut parler, c'est pas trop aller chercher pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça. Mais aujourd'hui, en France, moi je suis heureuse d'être dans un pays un peu unique au monde, hein, pour ça, pour ce que c'est que la laïcité, c'est-à-dire le fait que moi je réclame que jusqu'à la fin de ma vie, j'ai le droit d'être athée. Mmh. Et que jusqu'à la fin de ma vie, même à la limite, je puisse me promener dans la rue avec « je ne crois pas en Dieu ». Or, si aujourd'hui je me balade avec « je ne crois pas en Dieu », je me fais assassiner. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est ça d'abord, c'est qu'on puisse ne pas croire en Dieu. Alors moi, ce qui me gêne en fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle sans cesse d'inculture des jeunes. Moi, je trouve ça triste parce que je fais partie d'une génération où moi aussi, enfin, j'ai 36 ans, et déjà jeune, on m'a dit que de toute façon, je faisais partie des incultes. Mais ça veut dire quoi la culture en fait? Est-ce que finalement, c'est partager la culture du babyboom et à partir de ce moment-là, on est cultivé? On a d'autres cultures, effectivement, et je pense qu'il y a une fracture de génération qui se passe par rapport à Internet. Effectivement, on ne parle pas de la même culture. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand on parle des jeunes en disant « il y a un manque de culture ». Non, il n'y a pas un manque de culture, c'est une culture différente. Mais comment on pourrait peut-être définir la culture? Qu'est-ce que la culture? Moi je suis enseignant et quand j'ai appris que les deux frères tueurs bon, qui ont même commencé leur vie puisqu'ils étaient apparemment orphelins, ils ont été élevés dans le centre de la France, j'aurais peut-être dans ma classe, je fais des CM1, CM2, j'aurais pu les entraîner au foot, apparemment il y en a qui ont envie de devenir footballeur, etc. Ensuite ils ont eu un petit diplôme, je crois, de formation professionnelle, ils avaient des petits boulots, etc. Et dès que j'ai appris ça, leur histoire, ça m'a fait mal, énormément mal, parce que je me suis dit, qu'est-ce que t'as raté, quoi? Qu'est-ce qu'on a raté, nous les éducateurs, nous l'éducation nationale, entre autres, hein, plus que les autres, puisqu'on dit toujours que les bases, c'est les enfants, mais les enfants, ils avaient leur base, ces enfants-là, quoi. Puisqu'ils étaient intégrés, ils n'étaient pas, ils n'ont pas eu une vie de malheur au départ, quoi, hein, d'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qui fait qu'après, malgré les bases qu'ils pouvaient avoir, ils aient pu se faire manipuler, ils sont plus sombrés en quelque chose d'aussi sombre que cela. Et ça, ça m'a interpellé par rapport à l'école. J'ai pensé tout de suite à l'école, quoi. Moi, j'étais chrétien militant. Hein. C'était pas par hasard, si tu veux. En plus, j'avais rencontré des curés qui étaient trop intelligents et qui me faisaient réfléchir, si tu veux. Voilà, et c'était encore plus piégeant. Hein. Mais voilà, c'était... Et donc, c'est important... En étant laïque, d'être capable de discuter avec des gens, parce que ça influe sur leur vie. Hein. Même si ça fait partie de leur vie privée, ça peut pas être... il faut pouvoir discuter avec eux. Et alors là, moi, ça m'effraie quand je vous entends dire on ne peut pas discuter avec des civilisations arabes. Moi, le choc des civilisations, c'est un terme que je récuse. Il n'y a pas de choc de civilisation. C'est pas... Non, vous confondez le Coran avec une civilisation. Michel? Oui, je repensais à quelques mots qui ont été dits là. Il y a des mots qui sont des mots valises, des mots charges, culture, on peut en débattre pendant très longtemps. Alors, moi je me disais, la culture, tout simplement, les gens, il y a des gens qui sont venus ici en disant « je suis venu par curiosité ». C'est ça la culture, pour commencer à voir d'autres choses, à la manière des vieux, à la manière des jeunes. Alors, le rôle de l'éducation là-dedans est important pour aider les curiosités, mais ça peut être un double tranchant aussi. À certains moments, on a critiqué l'éducation comme un appareil idéologique d'État. Et c'est là que moi, je remets Charlie sur le chantier. Il y a des élèves qui m'ont accusé de... Pas accusé, mais qui m'ont un jour dit « Monsieur, vous devez travailler à Charlie ». J'étais très content quand on dit ça. Mais ce que m'a appris Charlie, c'est, disons, un espèce d'irrespect, donc un irrespect qui m'a appris à mettre en doute un certain nombre de choses et à mettre en branle la curiosité pour chercher la vérité, enfin une vérité. Et je voulais aussi dire une autre chose qui est importante, c'est qu'à une certaine époque, on a vécu, je parle pour les moins jeunes, on a vécu sur des grands récits qui sont complètement dissociés maintenant. Le grand récit du prolétariat, etc. Bon, je vais pas... On a vécu sur des grands récits où on était très nombreux à être d'accord. Et depuis, beaucoup de choses sont fractionnées, parce que d'abord, les vies ne sont pas les mêmes, disons. À certaines époques, on avait un métier, on regardait. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont un petit boulot, qui sont au chômage, qui retravaillent. Ils ne peuvent pas avoir la même vision d'ensemble. Alors moi, cependant, quand j'entends dire que la génération, ma génération, n'est pas cultivée, ça me fait mal quand même. Hein. J'avoue que je pense que la génération n'est pas cultivée. Et je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on a à peu près... Bah, moi, je dirais sur notre génération, ça vient plus d'un problème d'éducation, en fait, d'envie, de curiosité. Oui. Parce que notre génération, on a accès à tout. Si, par exemple, à une certaine époque, si on voulait écouter une certaine musique, il fallait qu'on aille acheter le CD. Maintenant, j'ai tous les artistes que je veux au monde, je peux les écouter. Tous les auteurs que je veux au monde, je peux me renseigner dessus. Si on voulait n'importe quelle info, il fallait des encyclopédies ou aller à la bibliothèque. Maintenant, il y a Wikipédia qui est là. Donc il y a certaines infos, il faut vérifier la source. Mais sinon, c'est de la culture gratuite. Et le vrai problème, en fait, dans les jeunes de maintenant, c'est de les intéresser à se cultiver par eux-mêmes, parce que c'est une démarche qu'il faut faire de soi-même. Et il y a beaucoup trop d'années de télé, de journaux, de médias, de mauvaises émissions et tout ça qui ont... fainéantiser les jeunes à vouloir se cultiver maintenant. Même les vieux. Et même les vieux. Voilà. J'avoue que je lis sur internet ce qui est disponible en fait directement. Moi aussi. Voilà. Et j'avoue que du coup je ne suis pas du tout abonnée Et votre analyse des événements donc à vous là, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce que vous aimeriez comme analyse? Comme analyse, je sais pas, c'est vraiment très vague. Et un problème, c'est pas l'islam, le problème, c'est l'islamisme, c'est la radicalisation d'une religion, et l'outil qui en est fait. Mais je pense que le cœur du problème, là, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est même plus les attentats, c'est plus tout ce qui se passe en Irak avec Daesh et tout ça, et ces peuples qui sont massacrés, et Boko Haram qui s'allie avec Daesh. C'est tout ce pouvoir qui est en train de monter et de grandir, et il n'y a pas vraiment de réaction en face. On dirait qu'ils sont assez libres de faire ce qu'ils veulent, je trouve. Je voulais juste poser une question, en fait. Il y a une question qui n'est jamais posée, mais qui pourrait, comment ça pourrait profiter, une guerre comme ça? Alors, toutes les guerres profitent au système. Eh bien oui, mais là... La guerre de 14, il y a eu 5 millions de morts, il y a eu 10 ans de prospérité. La deuxième guerre mondiale, il y a eu 40 millions de morts et il y a eu les temps glorieux. Évidemment, chaque fois qu'il y a une guerre, on détruit tout, il faut tout reconstruire. Donc c'est, non, mais il y a une telle expérience, il y a un tel savoir de la guerre. Le monsieur le photographe, là, il est... Non, c'était pour répondre à une interrogation. Oui. La guerre qui est en cours, c'est la guerre pour la dédollarisation de l'économie. Pour donc, dédollarisation. C'est-à-dire que les États-Unis imposent leur impérialisme, leur vision sur le monde à travers leur monnaie qui régit l'économie. Et leur langue. Leur langue aussi, mais ce qui compte, c'est surtout la monnaie. Il y a des pays qui ne veulent plus jouer ce jeu-là. Il y a la Russie, il y a la Chine. Il y avait la Libye, il y avait aussi l'Irak à un moment. Et donc, il y a le Brésil, les pays du BRICS, l'Afrique du Sud. Et l'enjeu, il est là, parce que si les États-Unis perdent la suprématie sur le dollar, c'est-à-dire tout le monde a besoin de dollars, parce que c'est une monnaie d'échange universelle, si ce fait est contesté, il y a tellement de dollars qui circulent dans le monde, il y a un tel endettement de l'économie américaine, si on n'a plus besoin de dollars, on la retourne à la Banque Centrale Américaine. Et la Banque centrale américaine se retrouve avec des milliers de milliards de dollars qui ne lui servira à rien. Et donc on a un effondrement économique considérable. Donc l'enjeu pour les États-Unis, c'est éviter l'explosion économique, l'implosion économique du pays. Donc c'est une guerre très... L'enjeu est très sérieux, la guerre est très sérieuse. C'est vrai qu'il veut conclure, qui voudrait conclure sur ce soir là, est-ce que quelque chose s'est dégagé ce soir effectivement avec des discussions? La première chose, c'est la complexité du monde. La complexité, exactement. J'ai beaucoup écrit le mot ensemble ce soir. Je crois que non, c'est pas pour ça qui transparaît, c'est que c'est peut-être aussi quelque part qu'il n'y avait pas, qu'on ne trouve plus ce vivre ensemble qui fait que les. On vit ensemble avec la violence, en fait. Et je vous engage à lire, en plus du monde diplomatique, bien sûr, la revue Esprit, où il y a tout un dossier sur Après l'Union sacrée, qui est extrêmement intéressant, et où Antoine Garapon, notamment, écrit un article. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est pas du tout un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée.